Bonjour Malik. Bonjour. Nous sommes devant l'office pour les étrangers, c'est bien ça? L'office des étrangers, ouais. Ouais. Là, il y a un rassemblement pour initié par le collectif des sans-papiers. Ouais. Est-ce que tu peux présenter un peu le collectif et pourquoi en fait, pourquoi ce rassemblement? D'accord. Donc moi c'est Malik, je fais partie de la voie des sans-papiers qui s'est installée ici au boulevard Léopold II à Molenbeek. Et donc on lutte depuis maintenant 1 an et 7 mois dans ce bâtiment-là pour essayer d'avoir cette régularisation, pour essayer de faire en sorte que la politique migratoire européenne en général et belge en particulier soit plus clément, soit plus humaine. Et que les gens qui sont là, ils sont d'abord des humains, il faut les considérer comme des humains. Et le droit ne doit pas être un privilège, mais quand même toute personne doit avoir accès à ce droit-là. Et donc on fait partie aussi d'une coordination des sans-papiers qui regroupe à peu près 7 groupe et donc on travaille là-dessus. Ce rassemblement-là est appelé par la coordination à la suite d'un assassinat ou d'un suicide dans de nos amis qui étaient dans des centres fermés et qui s'est suicidé au niveau de Vatem. Donc on est là pour dénoncer encore ce qui se passe et la répression et ce qui se passe au niveau des centres fermés et dire que ces centres fermés-là n'ont vraiment pas lieu d'exister à nos jours dans des pays de droit, de justice. Et est-ce qu'on peut parler de zones de non-droit dans ces lieux? Oui. C'est des zones de non-droit dans la mesure où il n'y a pas des journalistes qui peuvent accéder à ces lieux-là. Il n'y a pas de photographes, il n'y a pas des gens qui peuvent témoigner, sauf les personnes qui sont rentrées à l'intérieur, qui sont sorties. On a entretenu avec ces personnes-là, et ce sont des personnes qui déplorent vraiment ce qui se passe là-bas. C'est une zone vraiment de non-droit et on ne respecte pas les droits de l'homme là-bas. Et ça doit être dit, ça doit être parlé, et tout le monde doit le savoir. Et c'est vraiment déplorable dans des pays développés comme la Belgique. Et que disent les Belges et puis le gouvernement belge par rapport à ces lieux en fait quoi? Oui, mais pour le gouvernement, il va légitimer ça en disant que les personnes qui sont là sont c'est des illégaux, on doit les enfermer. Mais les personnes, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas tué, ils n'ont pas assassiné, ils n'ont rien fait du tout. Ils circulaient malheureusement, malheureusement ils n'ont pas leur pièce d'identité, ils n'ont pas leur papier. Et ça, je pense que ça ne doit pas être considéré comme un crime jusqu'à mettre la personne dans le centre fermé comme une personne qui a fait des crimes. Et ça, ça ne doit pas être. Et aujourd'hui, vous réclamez quoi? Un peu plus d'éclaircissement sur la mort de votre camarade ou ami? Oui. Il faut rappeler aussi qu'il y a eu des morts avant. Donc c'est la énième fois qu'il y a une personne qui est morte au niveau d'un centre fermé. Donc on réclame tout simplement, du moment qu'on est dans un pays de droit, la fermeture de ces centres fermés. La régularisation des sans-papiers qui vivent une vie vraiment déplorable, vivent vraiment au santé précaire. Dans des occupations, et tout ça doit s'arrêter, et que la personne doit considérer la personne comme une personne à part entière, et donc pas parce qu'il est africain, parce qu'il est asiatique, il ne doit pas avoir les mêmes droits que les Européens. Ça doit cesser quoi. Et est-ce qu'on peut dire que la situation s'est dégradée en Belgique? Oui, trop même dégradée dans la mesure où les gens qui sont au gouvernement actuellement, c'est à la limite des gens d'extrême droite. Donc c'est trop difficile de combattre en ce moment-là. Mais quand même, il faut savoir que les convictions sont là et les gens se mobilisent pour réclamer leurs droits. Nous, la plupart des gens qui viennent dans notre occupation, ils disent que je pensais que vous n'étiez pas comme ça. Et donc, je pense que la meilleure façon de comprendre ces gens-là, c'est de les approcher et de venir à leur côté et de parler avec eux. Et les gens vont trouver que c'est des gens qui sont accessibles, qui ne sont là juste pour avoir une protection, qui sont là juste pour avoir le droit comme toutes les autres personnes. Ils ne sont pas des assassins, ils ne sont pas des criminels, ce sont juste des gens qui ont fui chez eux pour d'énormes raisons et qui sont venus ici juste pour chercher la protection. Oui. Et donc, c'est quand même... C'est quand même déplorable de juger, de faire des préjugés avant de connaître les personnes. Et ça, je pense que c'est pas la meilleure façon de connaître les personnes, c'est pas à travers les médias aussi. Bah merci beaucoup. Et comment on peut vous contacter? Moi j'ai un numéro de téléphone aussi, j'ai un email aussi. Toi ou le collectif? Il n'y a pas de problème si vous me contactez, je peux contacter. D'accord, merci beaucoup Malik. Il n'y a rien, il n'y a pas de problème.